إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، لما كان الإنسان يتأثر أثرا بالغا بأصحابه، كان على العاقل الذي يريد السلامة لنفسه في الدنيا والآخرة أن لا يصاحب إلا من تنفعه صحبته وتزينه، وأن يحذر من مصاحبة من تضره صحبته. قال الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول العلامة ابن سعد رحمه الله: يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، يريدون بذلك وجه الله. فوصفهم الله بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في مصاحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك ولا ترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العاقل، فيقفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سبحانه وتعالى محذرا من مصاحبة غير المتقين: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي إن الأخلاء يوم القيامة الذين اصطحبوا على الكفر والتكذيب وعلى معصية الله بعضهم لبعض عدو، يتبرأ بعضهم من بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويدعو بعضهم على بعض، لأن بعضهم ساق بعضا إلى أسباب الهلكة من الكفر والفسوق والعصيان، فلم تكن مودتهم لله ولا مستقيمة على منهج الله، فانقلبت هذه الخلة عداوة يوم القيامة. إلا المتقين، الذين اتقوا الشرك والمعاصي، فإن محبتهم تبقى وتدوم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, parce que l'être humain est influencé énormément par son ami, il est donc demandé à celui qui est doué de raison, à celui qui veut être sauvé dans cette vie d'ici-bas et connaître le bonheur dans l'au-delà, de n'avoir comme ami que des personnes dont l'amitié lui est bénéfique, prendre comme ami des personnes dont l'amitié t'embellisse. Et le doué de raison prend garde. et fais en sorte de ne pas lier amitié avec une personne qui peut lui être néfaste. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, selon le sens, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Cheikh Saadi rahimahullah explique cette parole d'Allah Azzawajal dans Surat Al-Kahf, la caverne, en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de faire preuve de patience et de rester avec les croyants, les serviteurs d'Allah Azzawajal, qui reviennent repentants vers Allah Azzawajal, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, au début de la journée et à la fin de celle-ci, de patienter et de rester avec ceux qui adorent Allah Azzawajal en toute sincérité. Allah Azzawajal les a qualifiés de personnes qui à la fois adorent Allah Azzawajal et adorent Allah de façon sincère. Il y a dans ce verset l'ordre de lier amitié avec les bonnes personnes et de patienter dans cette amitié et de patienter en restant à proximité de ces personnes dignes de confiance, de ces personnes douées de ces qualités, même si elles sont pauvres, même si ces personnes sont pauvres, même si elles ne t'apportent pas un bénéfice mondain particulier, mais parce que ce sont des personnes pieuses, eh bien le fait de rester avec elles, le fait de les côtoyer, de patienter dans cela, apporte des bénéfices qui ne peuvent être dénombrés. Et Allah Azza wa Jal dit son le sens, « وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ » et que tes yeux ne se détachent point d'eux, c'est-à-dire ne les quitte pas du regard, et fais en sorte qu'ils soient toujours à proximité de toi. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Car le fait de rechercher la beauté éphémère de cette vie mondaine ne fera que t'apporter du mal et fera en sorte que tu ne puisses pas bénéficier des bienfaits religieux dans le fait de rester à proximité de ces personnes pieuses. Le fait de s'attacher et de suivre la beauté éphémère de cette vie d'ici-bas va faire en sorte que toutes tes pensées seront dirigées vers ce monde d'ici-bas. Ainsi, ton cœur sera de plus en plus détaché vis-à-vis de l'au-delà. La vie d'ici-bas a une apparence trompeuse. Cette vie d'ici-bas a une emprise sur la raison de la personne. Et celui qui tombe dans ce piège verra son cœur éloigné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et sera attiré vers les passions interdites de cette vie mondaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait de prendre comme amis des personnes qui ne sont pas pieuses. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, les amis intimes ce jour-là seront des ennemis les uns les autres, excepté les pieux. C'est-à-dire que les amis intimes, ceux qui étaient intimement liés dans cette vie d'ici-bas, eh bien, cette amitié, le jour du jugement, se transformera en inimitié, elle se transformera en haine, car ces personnes avaient lié amitié dans cette vie d'ici-bas, et ce qui les a liés est la mécréance, ce qui les a liés est le fait de traiter de mensonge le message d'Allah, ce qui les a liés est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le jour du jugement, ils seront ennemis les uns les autres. Ils se désavoueront les uns se désavoueront des autres, et ils se maudiront mutuellement. Ils invoqueront contre eux mutuellement, wal'iyadu billah, car les uns avaient amené les autres à la perdition. Les uns avaient amené les autres à la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, leur amour n'était pas basé sur l'amour d'Allah, et leur amour n'était pas conforme à la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette amitié se transformera donc en inimitié, wal'iyadu billah. Et Allah azza wa jal de faire exception en disant, illa al-muttaqin, hormis les pieux, ceux qui ont fait preuve de piété, ceux qui ont mis un rempart entre eux et le polythéisme, ceux qui ont mis entre eux et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala des obstacles, ce qui les a réunis, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cette amitié perdurera, et ainsi jusqu'au jour du jugement. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال العلامة المبارك فوري رحمه الله قوله الرجل يعني الإنسان على دين خليله أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته فلينظر أي فليتأمل وليتدبر من يخالل من المخالة وهي المصادقة والإخاء فمن رضي دينه وخلقه خالله ومن لا تجنبه فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده انتهى كلامه رحمه الله ويقول الشاعر على المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يجر ثيابك وإما أن تجد منه ريحة منتنة. فصحبة الصالح أيها المسلم تنفعك إما أن ينفعك علما أو هديا حسنا أو أن يظن الناس بك ظنا حسنا ويذكرونك بالجميل. وصحبة الجليس السوء تضرك إما في علمك أو في خلقك أو في سمعتك عند الناس فإنه يساء بك الظن إذا رأوك الناس تصاحبه. ثم اعلموا أيها المسلمون أن ميزان اختيار الصاحب يجب أن يكون ميزانا دقيقا مبنيا على العلم والهدى لا على الجهل والهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن الناس من تخدعك صورته وحسن منطقه وظاهر حاله وهو ينطوي على شر وخبث كالريحانة حسنة الريح مرة الطعم. فمتى رأيت أيها المسلم مثل ذلك في من تصاحب فأسرع الهرب وبادر إلى النجاة فإن صحبته شر ولا يلبس عليك الشيطان فيقول صاحبه وترفق به لعله أن يصلح فإن العادة جرت على حصول العكس وهو فساد الصالح لا صلاح الفاسد إلا ما نذر. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu an, il dit alayhi salatu wa salam, l'homme est sur la religion de son ami intime, que l'un d'entre vous regarde donc avec qui il lie amitié. Al-Allama al-Mubarak Furi rahimahullah a dit en expliquant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, c'est-à-dire l'être humain est sur la religion de son ami intime, c'est-à-dire qu'il suit ses habitudes, c'est-à-dire qu'il suit sa voie, c'est-à-dire qu'il se conforme à sa façon de vivre, ainsi que l'un d'entre vous regarde, c'est-à-dire qu'il médite et qu'il réfléchisse à plusieurs reprises avant de lier amitié avec une personne. S'il considère et s'il agrée la religion et le comportement de cette personne, alors il lie amitié avec elle. Par contre, s'il considère que cette personne n'est pas une personne fréquentable, n'est pas une personne pieuse, n'est pas une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas une personne qui le poussera à craindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas, il s'abstiendra de lier amitié avec elle. Car le fait de lier amitié et le fait de côtoyer une personne a sans aucun doute et de façon inéluctable un effet sur la personne. Soit elle a un bon effet, si la personne que tu côtoies est pieuse, soit elle a alors un effet dévastateur si la personne est pervers et ne craint pas Allah Azza wa Jal. Le poète a dit, ne questionne pas au sujet d'une personne, mais questionne au sujet de son ami. Car toute personne suit les traces de son ami. Et ce poète de dire, lie donc amitié avec ceux qui sont pieux, ainsi tu bénéficieras de la piété, et ne lie pas amitié avec les mauvaises personnes, car tu périras avec la personne vile. Et dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu an, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait d'avoir un bon compagnon et un mauvais compagnon, le bon compagnon et le mauvais compagnon sont à l'image du vendeur de musc et du forgeron. Quant au vendeur de musc, soit tu seras imprégné du parfum qu'il vend, ou soit tu achèteras de lui du parfum, ou soit tu ressentiras chez lui une bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, ou soit alors tu trouveras chez lui une odeur nauséabonde. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, lie amitié avec des personnes vertueuses, car ces personnes vertueuses seront bénéfiques pour toi. Ces personnes vertueuses t'apprendront une science bénéfique, t'enseigneront une voie bonne à emprunter, et les gens auront le bon soupçon à ton égard lorsqu'ils te verront côtoyer ces personnes pieuses. Et prends garde à prendre comme amis des personnes mauvaises, car ces personnes t'enseigneront des mauvaises choses, ces personnes t'inculqueront des mauvais comportements, et ta réputation sera tachée auprès des gens qui penseront du mal de toi lorsqu'ils te verront côtoyer cette mauvaise personne. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que ce qui te permet de juger une personne et de la considérer, de la prendre comme amie ou non, ce qui te permet de la choisir comme amie ou non, doit être basé sur la science et la guider, non sur l'ignorance et le fait de suivre ses passions. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, ne lie amitié qu'avec un croyant et ne mange ton repas qu'un pieux. Et certaines personnes te trompent, certaines personnes te dupent en faisant apparaître une bonne image d'elles, en usant de paroles mielleuses. Or, ce que renferme cette personne et le mal et la turpitude. Cette personne est considérée, est à l'image de cette plante aromatique, le myrte, qui a une bonne odeur, mais dont le goût est amer. Si tu constates cela, chers musulmans et musulmanes, parmi les personnes que tu as pris comme amis, lorsque tu constates que cette personne a une apparence trompeuse et en réalité c'est une personne qui est mauvaise, alors empresse-toi de la fuir. Empresse-toi de la fuir et empresse-toi de t'extirper de cette personne et de préserver ta religion. Et ne sois pas la victime du diable qui viendra t'embellir en te disant « Continue à côtoyer cette personne. Effectivement, elle est mauvaise, mais fais preuve de gentillesse et de douceur à son égard. Continue à la côtoyer. Ainsi, il est possible qu'il revienne à la vérité. » Or, le constat est autre, chers musulmans et musulmanes. Ce qui est constaté par l'expérience, c'est que c'est souvent le contraire qui arrive. Ce n'est pas les personnes mauvaises qui deviennent vertueuses, mais ce sont les vertueux qui sont influencés par les mauvais, sauf les cas extrêmement rares. Et cela, chers musulmans et musulmanes, ne doit pas empêcher celui qui a la science nécessaire d'appeler à la guider celui qui est égaré. Le fait de prodiguer le conseil aux égarés parmi les musulmans, de leur recommander la crainte d'Allah Azzawajal, de leur recommander le fait de s'éloigner des interdits d'Allah, cela est une chose qui entre dans l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et cela doit être fait par celui qui a la science nécessaire et celui qui sait qu'il pourra être influent sans être influencé. Quant au fait de prendre ce prétexte pour continuer à côtoyer une personne, pour continuer à la prendre comme amie, alors sache que cela est une ruse du diable qui veut te dévier du chemin d'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله تزاحموا تقاربوا بارك الله فيكم Approchez-vous s'il vous plaît الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإذا كان على المرء عموما أيها المسلمون أن يعتني باختيار الصاحب فإن أولى الناس بذلك الشاب المسلم في مقتبل عمره لأن المرء في الغالب على أول نشأته فإذا صحب أهل الصلاح والاستقامة كان ذلك من أسباب سعادته إن شاء الله وإن صحب أهل الفسوق والفجور والشهوات كان ذلك من أسباب شقاوته وضلاله إلا أن يتداركه الرحمن برحمته ولطفه سبحانه وتعالى وإذا كانت مصاحبة الفساق أصحاب الشهوات خطرا جسيما فإن من الناس من صحبته أشد خطرا وإذ كان من أهل العبادة والسمت الحسن فإن ضررهم أشد ألا وهم أهل الأهواء والبدع لأنهم يفسدون عقيدة المسلم وهو يظن أنه على الهدى والحق فمتى يتوب مثل هذا من بدعته وضلالته التي تقوده إلى النار والعياذ بالله إن البدع أيها المسلمون أشد المعاصي لأن البدع تمحو معالم الدين كما أنها تتضمن اتهام الدين بالنقص فلو اعتقد المبتدع أن الدين كامل فما الذي إذن أحوجه إلى البدعة أما المعاصي فمع خطرها وعظيم ضررها إلا أن صاحبها يعلم من نفسه الخطأ والتقصير فمثله يوشك أن يتوب Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, parce que chaque personne doit faire attention et doit donner une importance particulière aux personnes avec qui il lie amitié. ce conseil est plus particulièrement adressé aux jeunes musulmans, à ceux qui sont encore dans les premières années de leur existence, car souvent le jeune grandit dans ce qu'il était pendant sa jeunesse. Il sera plus tard comme il l'était dans sa jeunesse. Si dans sa jeunesse il côtoyait des personnes vertueuses, des personnes faisant preuve de droiture dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne fera partie des bienheureuses et de celles qui sont bien guidées dans cette vie d'ici-bas par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, s'il côtoie les pervers, s'il côtoie ceux qui courent derrière ces passions éphémères et ces passions interdites de cette vie d'ici-bas, alors cela sera la cause de son malheur, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala vient le couvrir de sa miséricorde et de sa douceur subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on parle de côtoyer et de prendre comme amis des personnes perverses, eh bien, il y a des personnes dont la compagnie et l'amitié peuvent être bien plus dangereuses que ces pervers. Même si cette personne fait partie des gens qui adorent Allah Azzawajal et qui ont une belle apparence, malgré cela, leur mal peut être plus dangereux et est plus dangereux que les pervers. Ces personnes, chers musulmans et musulmanes, ce sont les innovateurs, ceux qui suivent leur passion dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ces personnes sont la cause de corrompre la croyance du musulman. Ils corrompent la croyance du musulman en faisant croire à ce musulman qu'il est dans la guidée, dans la vérité. Comment une personne qui considère être dans la vérité peut-elle envisager de délaisser cela et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ainsi, rares sont les innovateurs qui se repentent de leur innovation, car ils pensent que cela est bien, ils pensent que c'est ainsi qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent que c'est de cette façon que l'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les innovations sont bien plus graves que les désobéissances et les péchés, car les innovations suppriment les repères de la religion, et celui qui innove dans la religion considère que la religion est imparfaite. Si cet innovateur considérait la religion parfaite, pourquoi alors a-t-il besoin d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quant à celui qui désobéit à Allah azawajal, malgré la gravité de sa désobéissance et malgré les effets néfastes et destructeurs de cette désobéissance vis-à-vis de sa foi, il n'est que cette personne admet qu'elle est dans l'erreur, que cette personne sait qu'elle commet des manquements vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il est fort probable que cette personne se repente envers à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. ولهذا نصح أئمة السلف كل مسلم ومسلمة أن يحذر أهل البدع والأهواء وأن يتجنبوا مصاحبتهم ومخالطتهم والتتلمذ عليهم حفظا للدين الذي هو رأس المال. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وقال ابن الجوزي: لما ذكر بعض أهل البدع الله الله من مصاحبة هؤلاء، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بحديث رسول الله لتعجن بها طبائعهم. ومن كلام السلف قبل هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لما قال لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب، وصحبة أهل البدع ومخالطتهم وموادتهم مخالف لسبيل السلف الصالح الذين هم أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم أعظم بصرا بمكائد أهل البدع وطرائقهم في الإضلال، والذين هم أعظم إدراكا لأضرار مصاحبتهم على القلوب والعقائد. ومن أهل البدع أيها المسلمون القبوريون الذين يعظمون المشاهد والأضرحة ويصرفونها العبادة، ومنهم الرافضة الذين يلعنون الصحابة ويكفرونهم، ومنهم الخوارج الذين يسبون ولاة الأمور ويطعنون عليهم ويخرجون عليهم، ومنهم الحزبيون أتباع الفرق المعاصرة التي تسمى بالجماعات الإسلامية، فتحزبهم بدعة منكرة حيث يجتمعون على أصول اخترعوها ومناهج أحدثوها، إليها يدعون وعليها يوالون ويعادون. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parce que le danger des innovateurs est grand, les pieux prédécesseurs ont mis en garde chaque musulman et chaque musulmane de s'éloigner, mettant en garde les musulmans de s'éloigner des gens de l'innovation et de ne pas les côtoyer, de ne pas se mélanger à eux, de ne pas être leurs élèves, afin de protéger leur religion, la religion qui est le capital du musulman. L'imam Ahmad rahimahullah a dit, lorsque tu vois un jeune qui, dans sa jeunesse, côtoie les gens de la sunna, alors espère de lui un bien. Et si tu vois ce jeune qui côtoie les gens de l'innovation, alors perds espoir à son égard, car le jeune reste sur ce qu'il était dans sa jeunesse. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, lorsqu'il a cité certains innovateurs, a dit « Prenez garde et éloignez-vous de ces personnes et interdisez aux jeunes et aux enfants de les côtoyer, de se mélanger à eux, de peur que quelque chose de leur innovation ne pénètre le cœur de ces jeunes, et occuper ces jeunes à apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que ces hadiths façonnent leur personnalité. » Et avant, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, ne restez pas et ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation, car de s'asseoir avec eux rend malade le cœur. Ainsi, le fait de rester avec les innovateurs, de se mélanger à eux, est contraire à la voie de nos pieux prédécesseurs. Nos pieux prédécesseurs qui connaissaient mieux que nous le livre d'Allah, qui connaissaient mieux que nous la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nos pieux prédécesseurs qui connaissent mieux que nous les ruses des gens de l'innovation et les moyens qu'ils utilisent pour égarer les musulmans. Nos pieux prédécesseurs qui connaissent mieux que nous les effets destructeurs et néfastes du fait de rester et de se mélanger aux innovateurs. Et parmi les innovateurs, chers musulmans et musulmanes, ceux qui adorent les tombes et ceux qui immensifient les mausolées en leur vouant adoration, parmi les innovateurs, il y a les chiites, al-Rawafid, qui maudissent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les excommunient. Parmi les innovateurs, al-Khawarij, qui insultent les gouverneurs musulmans, qui parlent sur eux et qui se soulèvent contre eux. Parmi également les innovateurs, tous ces sectaires, ceux qui suivent ces différents groupes qui se font appeler les groupes musulmans, car le fait de se regrouper de la sorte et de faire preuve de sectarisme est une innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ces personnes se réunissent autour de bases qu'ils ont eux-mêmes érigées, des bases qu'ils ont eux-mêmes fondées, des voies qu'ils ont eux-mêmes innovées. Ils appellent à ces voies et à ce sectarisme. Et ils pratiquent, ils aiment ceux qui les suivent et détestent ceux qui les contredisent et mettent en garde contre eux. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجمع قلوب المسلمين على الحق إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا وظهيرا اللهم أعنهم اللهم أعنهم يا قوي يا متين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين